Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie. Le droit du premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire. Mais l'acte positif qui le rend propriétaire de quelques biens l'exclut de tout le reste. Sa part est en fait, il doit s'y borner et n'a plus aucun droit à la communauté. En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit du premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne. Secondement, qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister. En troisième lieu, qu'on en prenne possession, non par une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, celles signes de propriété qui, à défaut de titres juridiques, doivent être respectés d'autrui. Rousseau va alors citer un certain Núñez Balbao. Voici la note. Conquérant espagnol qui vécut après Colomb et avant Cortés. Il découvrit vers 1510, du haut des monts de l'île de Panama, l'océan Pacifique et en prit possession, entre guillemets, avec tout ce qu'il contenait, au nom du roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique. Quand Núñez Balbao prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute l'Amérique méridionale, au nom de la couronne de Castille, était-ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là, ces cérémonies se multipliaient assez vainement, et le roi catholique n'avait tout d'un coup qu'à prendre de son cabinet possession de tout l'univers, sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes. On conçoit comment les terres des particuliers, réunies et contiguës, deviennent le territoire public. Les anciens monarques ne s'appelaient que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens. Ils semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays. Ceux d'aujourd'hui s'appellent plus habilement rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, etc. En tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûr d'en tenir les habitants. Ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation, c'est que, loin qu'en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille. Elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l'usurpation en un véritable droit et la jouissance en propriété. Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s'unir avant de rien posséder et que, s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun ou qu'ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le peuple souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté. Donc, le pacte fondamental substitue une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. Note de Rousseau, sous le mauvais gouvernement, cette égalité n'est qu'apparente et illusoire. Elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation.